le corps de Marie. Il faut y croire même quand tout est fini. L'amour c'est comme le corps de Marie. Il fonctionne bien, mais moi j'ai rien compris. L'amour c'est comme le corps de Marie. Parfois il crie, mais c'est toujours gentil. L'amour c'est comme le corps de Marie. Une seule victoire, on y repense toute la vie. Toute la vie, toute la vie. L'amour c'est comme le corps de Marie. Quoi qu'il advienne, on en sort toujours grandi. L'amour c'est comme le corps de Marie. On peut pas tous s'appeler Benji. L'amour c'est comme le corps de Marie. Quand il s'en va, ça paraît infini. L'amour c'est comme le corps de Marie. Y en a qui trichent, mais elle, pas envie. Pas envie. Pas envie. La vie, toute la vie.